En Corée, le corps de création littéraire 15 avril a créé le roman Fleuve, l'aurore du matin, créé par Lee Dong-gu, faisant partie de la collection Guide immortel. Ce roman Fleuve présente les exploits immortels du général Kim Jong-il, accomplis lors de ses premières activités révolutionnaires à l'université Kim Il-sung, avec le grand projet de faire briller la Corée, suivant la volonté du président Kim Il-sung.